50 languages. 33. 33. في محطة القطار. À la gare. À la gare. متى ينطلق القطار التالي إلى برلين؟ Quand part le prochain train pour Berlin? Quand part le prochain train pour Berlin? متى ينطلق القطار التالي إلى باريس؟ Quand part le prochain train pour Paris? Quand part le prochain train pour Paris? متى ينطلق القطار التالي إلى لندن؟ Quand part le prochain train pour Londres? Quand part le prochain train pour Londres? متى ينطلق القطار إلى وارسو؟ À quelle heure part le train pour Varsovie? À quelle heure part le train pour Varsovie? متى ينطلق القطار إلى ستوكهولم؟ À quelle heure part le train pour Stockholm? À quelle heure part le train pour Stockholm? متى ينطلق القطار إلى بودابست؟ À quelle heure part le train pour Budapest? À quelle heure part le train pour Budapest? أريد تذكرة سفر إلى مدريد. Je voudrais un billet pour Madrid. Je voudrais un billet pour Madrid. أريد تذكرة سفر إلى براغ. Je voudrais un billet pour Prague. Je voudrais un billet pour Prague. أريد تذكرة سفر إلى بيرن. Je voudrais un billet pour Berne. Je voudrais un billet pour Berne. متى يصل القطار إلى فيينا؟ Quand est-ce que le train arrive à Vienne? Quand est-ce que le train arrive à Vienne? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Quand est-ce que le train arrive à Moscou? Quand est-ce que le train arrive à Moscou? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? هل علي أن أبدل القطار لمتابعة السفر؟ Est-ce que je dois changer de train? Est-ce que je dois changer de train? من أي رصيف ينطلق القطار؟ De quel quai part le train? De quel quai part le train? هل في القطار عربة نوم؟ Y a-t-il un wagon-lit dans le train? Y a-t-il une voiture-lit dans le train? أريد تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. أريد تذكرة ذهاب وإياب إلى كوبنهاغن. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. كم كلفة المنامة في العربة؟ Combien coûte une place en wagon-lit? Combien coûte une place en voiture-lit?